إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أحبتي في الله إنها قصة ابني آدم قابيل وهابيل عباد الله قصة ابني آدم يخبرنا عنها ربنا جل وعلا في كتابه يقول سبحانه واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين عباد الله هكذا يفعل الحسد بأهلي الحسد نوعان محمود ومذموم يقول العلماء الحسد المحمود هو حسد الغبطة وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند أخيه من النعم من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه وهذا لا بأس به ولا يعاقب على صاحبه لذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار عباد الله وأما الحسد المذموم فهو أن يتمنى الحاسد أن تزول النعمة من عند أخيه سواء انتقلت إليه أم لا فمثال هذا يظهر لنا من قصة ابني آدم إذ تقرب بقربان إلى الله فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل فحسد قابيل أخاه على هذه النعمة ودفعه الحسد إلى البغي ودفعه البغي إلى القتل عباد الله ومن الأمثلة على ذلك في كتاب الله إبليس لما رأى أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها حسده ودفعه هذا الحسد إلى عدم السجود لآدم ولم يكتفي إبليس بذلك بل دفعه الحسد إلى الحرص على إخراج آدم من الجنة ولم يكتفي بذلك بل دفعه الحسد إلى أنه أقسم بالله على إغواء بني آدم وإعلان الحرب على آدم وذرياته إلى يوم القيامة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الله قال عن إبليس في كتابه العظيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وها هم إخوة يوسف دفعهم الحسد إلى أن دبروا للتخلص من يوسف كما أخبرنا الله جل وعلا عباد الله الحسد هو داء الأمم هو داء الأمم الذي يدفع صاحبه إلى سوء الظن وإلى التجسس والغيبة والنميمة والتباغض والتدابر ويدفع إلى البغي والقتل وهكذا عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر دب إليكم داء الأمم، دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليست حالقة الشر ولكن حالقة الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. عباد الله، لما كان الحسد يدفع صاحبه إلى البغي والقتل، جاء التحذير عن رسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، وبحسب امرئ، وقال صلى الله عليه وسلم وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دامه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. عباد الله، الحسد مرض خطير يضر بالحاسد والمحسود، أما ضرره بالحاسد فمن وجوه كثيرة. فقال منها العلماء أنه يدخل الهم والحزن إلى قلب الحاسد، ولذلك قيل في الحسد إنه مذموم وصاحبه مغموم، وغمه لا لمصيبة حلت في نفسه أو في ماله أو في أهل بيته، وإنما لنعمة أوتيها غيره، فهو لا يشفى من غمه وحزنه إلا بزوال نعمة محسود، إلا بزوال نعمة محسود، وهذا حزن لا مثيل له بين الأحزان، وهذا لا نجده إلا في حزن الحاسد لنعمة المحسود. ومنها أن الحسد يجر إلى معصية الله بمخالفة أمره وبفعل ما نهى عنه، وقد كان الحسد أول ذنب عصى وكان الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. حسد إبليس آدم فلم ينفذ أمر الله بالسجود لآدم حسدا منه له، وحسد قابيل أخاه هابيل على تقبل الله لقربانه فقتله. ومنها أن الحاسد في حسده لمن حوله كأنما يتسخط على قضاء الله ويعترض على ربه أن أعطى المحسود هذه النعمة التي لا يرضاها الحاسد له، وهذا أمر كبير وعظيم جدا قد يجر الحاسد إلى الردة عن الإسلام. ومنها أن الحسد يسود قلب الحاسد ويشغله عن ذكر الله، وهذا خسران عظيم للحاسد. عباد الله، وأما ضرره بالمحسود فهو واضح جدا، فكان جبريل عليه السلام يرقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شر هذه النوعية من البشر. قال عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. عباد الله، الإيمان إذا تمكن من قلب المؤمن دفعه إلى كل خير ومنعه من كل شر، وهذا يظهر في قصة ابني آدم. فهذا هابيل الابن البر المؤمن التقي يقول لأخي الفاجر المسلم المجرم الذي قال له لأقتلنك، قال له إنما يتقبل الله من المتقين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، chaque croyant, chaque croyante, dans un passage du noble livre, dans le noble Coran, Allah Jalla wa Ala nous relate l'histoire des enfants de Adam, Adam alayhi as-salam, que la paix soit sur lui, le père de l'humanité. Allah nous dit dans le verset, dans une traduction approximative du sens de la parole de notre Créateur. Allah dit, raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam, lorsque tous deux firent chacune une offrande, ou chacun une offrande, et qu'elle fut acceptée de l'un, mais pas de l'autre. L'un lui dit, je te tuerai, dit ce dernier à son frère qui lui répondit, Allah n'accepte que des pieux. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux, si tu me tues, que tu portes le péché et tes péchés passés. Tu seras alors du nombre des hôtes du feu. Telle est la rétribution des transgresseurs. Dans l'interprétation de ce verset, il nous est rapporté de la part de Abdallah ibn Abbas, qui dit, il y avait à l'époque pas de pauvres pour faire l'aumône, mais les hommes faisaient des offrandes à la place. Les deux fils de Adam, que la paix soit sur lui, étaient assis un jour. Ils étaient assis lorsqu'ils dirent, faisons une offrande. Et lorsqu'une offrande était faite, et qu'Allah l'acceptait, l'agréait cette offrande, Abdallah ibn Abbas nous rapporte dans son récit, il envoyait un feu qui la consumait. C'est-à-dire que lorsqu'Allah acceptait l'offrande, il envoyait un feu qui consumait l'offrande. Alors, l'un des fils de Adam était berger. Et l'un des fils et l'autre, le deuxième, était agriculteur. Alors, il est dit dans la tradition que l'un s'appelait Habil et l'autre s'appelait Qabil. Il n'y a pas de texte dans le Coran, dans la Sunna, mais c'est relaté dans les livres d'interprétation du Coran. Alors, l'un des deux, comme on a dit, était berger, l'autre était agriculteur. Le berger offrit la meilleure et la plus grasse de ses bêtes. Et l'autre, un petit peu de sa récolte. Alors le feu descendit, consuma le bélier et laissa les céréales. Alors le fils d'Adam dit à son frère, marcheras-tu parmi les gens et qu'ainsi ils sachent que ton offrande a été acceptée et la mienne rejetée? Non, par Allah, les gens ne te verront pas meilleur que moi, je te tuerai. Les savants nous disent que parmi les leçons à tirer de cette histoire, un fléau immense qui est la cause de la destruction de l'individu, des foyers, de la relation qu'il y a entre les bien-aimés, entre les êtres, les uns, les autres, la jalousie. Et donc, le croyant doit se préserver de la jalousie. C'est pour cela qu'il y a deux formes, comme nous relatent les savants, de jalousie. Une jalousie qui est blâmable et une jalousie qui est louable. La jalousie permise et louable, c'est ce qu'on appelle al-ribta. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, il y a la hasad illa fi thnatayn. il n'y a pas de jalousie dans deux choses. Lorsqu'une personne, Allah Azza wa Jal, lui a donné le Coran, la compréhension du livre, et celui-ci le récite et le médite la nuit comme le jour. Ou bien un homme à qui Allah Azza wa Jal lui a donné des biens, de l'argent, des fortunes, et lui dépense cela dans le bien la nuit et le jour. Alors envier une personne comme cela, qui médite et réfléchit et récite le livre la nuit et le jour, ou bien une personne qui a des biens, là lui a donné des biens, et lui dépense cela dans le bien, dans l'entraide des nécessiteux et dans le bon sentier, alors cela n'est pas la jalousie connue. Par contre, celle qui est blâmable et connue, c'est lorsque le jaloux espère la dissipation, que se dissipe le bienfait dont jouit son frère, ou son voisin, ou son ami, ou une tierce personne. Il te voit comblé d'un bienfait, il voudrait la dissipation de ce bienfait, et que ce bienfait-là revienne à lui. C'est-à-dire que lui, s'il n'est pas riche, ou s'il n'a pas des biens, et il voit que son voisin a des biens, ou que son ami a des biens, ou que son camarade, ou qu'un membre de sa famille, son frère, a des biens, alors il espérerait la dissipation de ce bien. C'est-à-dire qu'ils disparaissent de celui-ci et que lui-même les obtienne. La jalousie. Et donc, la jalousie mène vers les plus grands péchés. Elle peut mener jusqu'à Al-Qatl ou Al-Bari, comme on l'a relaté dans l'histoire. C'est pour cela que le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi, c'est le péché de Iblis. De Iblis. Lorsque Allah Azza wa Jal ordonna à Iblis de se prosterner devant Adam, devant le père de l'humanité. Et Iblis, par orgueil, s'est refusé de se prosterner devant Adam. Alors que les anges, eux, ont obéi à l'ordre du Créateur, subhanahu wa ta'ala, se sont prosternés devant Adam. Lui, Iblis, par orgueil, a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il a jalousé Adam. Par jalousie pour Adam. Alors qu'il dit, alors que moi tu m'as créé de feu et lui il a été créé de terre, d'argile, par jalousie. Alors les savants disent, le premier péché par lequel fut désobéi Allah Azza wa Jal pour cause de la jalousie. Méditez l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsque ses frères voulaient mettre fin à la vie de Youssouf, que la paix soit sur lui, à cause de la jalousie qu'ils avaient en eux contre leur frère Youssouf alayhi assalam. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écoutez bien ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, va vous atteindre, vous touchera le mal des nations précédentes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que chaque nation a été touchée par un fléau, par un mal. Et il dit, ce mal, il va vous toucher. Alors ils ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, wa ma da'ul umam, et quel est le mal des nations, de toutes les communautés? Et le prophète s'enseigne de dire, al-ashar, wal-batar, wal-takathur, wal-tanajush fi dunya, wal-tabarud, wal-tahasud, hatta yakun al-baghy. Et le prophète s'enseigne, parmi les choses qu'il a évoquées, il a évoqué le fait de courir vers l'abondance. On veut l'abondance des biens et des fortunes dans cette vie d'ici-bas. Le fait de se haïr, la haine et l'animosité les uns les autres. Et il dit le fait qu'on va s'envier les uns les autres. L'envie, la jalousie, c'est le fléau qui a touché toutes les communautés précédentes. Et le prophète Ansem nous dit qu'elle va nous toucher, nous aussi. Dans un autre récit, regardez le prophète Ansem dit « Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-barda wal-hasad » Le fléau qui a touché les nations avant vous, vous entendra. Et le prophète dit, l'animosité, c'est-à-dire l'aversion, la haine qu'on va avoir les uns les autres, et la jalousie. Et le prophète dit, هي الحالقة, c'est celle qui détruira. C'est-à-dire, littéralement, elle coupera. Et le prophète dit, elle ne va pas couper le poil, les cheveux, mais elle détruira la religion. Elle détruit la religion de la personne. Et il dit, والذي نفسي بيدي. Et le prophète dit, et je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous allez vous aimer. Ne vais-je pas vous indiquer une chose pour que vous puissiez vous aimer ? Répandez le salam entre vous. Qal al-ulama. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce récit ? Il y a une grande faïda. Ils ont dit parmi les remèdes de la jalousie, parce que c'est un, vous avez vu, c'est un fléau. Celui qui est touché par la jalousie, vous allez voir les méfaits dans ce qui va venir. Il est touché par un mal immense. Ça va le consumer, cette jalousie-là. Les savants ont dit, pour être prémunis, se préserver de cette jalousie-là, le fait de s'aimer, le fait de s'apprécier les uns les autres, le fait d'être soudés. Pour ça, le prophète Ansem nous dit, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, vous ne croirez point jusqu'à ce que vous vous aimiez. Pourquoi ? Parce que si les gens s'aiment, et si les gens sont soudés, et si les gens s'apprécient, alors ça préserve de la jalousie. Parce qu'ensuite, lorsque ton frère, ou ton ami, ou ton bien-aimé est touché par un bienfait, tu es content pour lui, et tu es heureux. Alors, pour cela, le prophète Ansem nous dit dans un récit, lorsqu'il met en garde contre cela, il dit, faites attention aux mauvaises conjectures, aux mauvais soupçons, les mauvaises pensées. Parce que le prophète dit, ceci est le plus grand mensonge. Wala tahassasu, wala tajassadu, wala tanafasu, wala tahassadu. Le prophète, regardez, il dit, ne vous espionnez pas, ne vous rivalisez pas, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos dans une traduction relative. Wakunu aibadallahi ikhwana. Mais soyez des serviteurs du Créateur, des serviteurs d'Allah, étant frères, tous des frères. Pourquoi ? Parce que ça préserve de la jalousie. El muslim akhul muslim. La yazlimu. Le muslim ni n'est injuste envers autrui, envers l'autre. Wala yakhzuluhu. Et il ne le délaisse pas, ne le trahit point. Wala yahqiruhu. Et il ne le dévalorise point. At-taqwa hahuna. Et le prophète dit, la piété se trouve dans cela, et il réitéra cela trois fois, le prophète. C'est ça la piété. La piété, c'est cela. Pour terminer, mes frères, dans un autre récit, le prophète, sallallahu alayhi dit, « La yajtami'u fi jawfi 'abdi al-iman wa al-hasad » ne peut pas se réunir dans le corps d'un croyant relativement, « fi jawf » dans le jawf d'un servant d'Allah, d'un esclave d'Allah, d'un serviteur d'Allah, ne peut pas se réunir dans le même jawf la foi et al-hasad, la jalousie. Ne peut pas se réunir, cohabiter. Les deux, la foi et la jalousie ne peuvent pas cohabiter. Finaf, c'est le jawf. Pour ça, les savants disent, c'est une maladie, la jalousie, c'est une maladie gravissime. Elle est très grave, cette maladie. Si la personne est touchée par cette maladie, alors il y a des méfaits. Parmi les méfaits, pour terminer, les savants disent, celui qui est touché par la jalousie, il va vivre dans le souci. Il sera toujours soucieux. Elham. Il sera toujours triste. Dans le cœur du jaloux, il y aura la tristesse. Il y aura le souci. Et cela est immensément blâmable. Et il est tout le temps dans l'inquiétude. Pourquoi ? Pas parce qu'il est touché par une épreuve, ou pas parce que l'un de ses membres ou des membres de sa famille est touché par une épreuve, pas pour cela, mais parce que il a vu une personne qui était comblée d'un bienfait. Ça le ronge. Ça le ronge à l'intérieur. Que d'autres vivent dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, sont comblés de bienfaits. Ça le ronge à l'intérieur. Donc, il vit soucieux. Al-gham, wal-huzn. Et il est triste. C'est une maladie. Regardez, قال العلماء, وهذا حزن لا مثيل له بين الأحزان. Et cette tristesse-là, il n'y a pas d'équivalent parmi les tristesses. Cette tristesse-là, c'est la pire. وَقَالَ الْعُلَمَا. Et ensuite, eh ben cette, parmi les méfaits, cette jalousie-là va pousser celui-ci à désobéir à son Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il va commencer à calomnier, à diffamer, à mentir sur les personnes qui sont comblées de bienfaits. Et donc, il va tomber dans des péchés. وَيَتَسَخَّتْ. Et le pire dans tout cela, pour terminer, il va se mécontenter. Lorsqu'il voit son voisin, son ami, son frère, ou une personne touchée par un bienfait, il se mécontente, il est en colère. Et donc, le péché dans cela, c'est qu'il se rebelle face au décret d'Allah Azza wa Jal. Face au qadar, face à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété et prédestiné. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a prédestiné que vous soyez comblés de bienfaits. C'est lui qui vous a donné tout ce que vous avez. Et si on se mécontente que notre voisin ou notre frère ou notre ami ou notre sœur soit touché de bienfaits, en réalité, on se mécontente du décret de ce qu'Allah Azzawajal a choisi et a décrété et prédestiné. Et ça, ça peut même emmener et mener la personne vers Al-Kufr. أقولوا ما تسمعون نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهدنا واجعل اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم احفظنا من الحسد اللهم احفظنا من الحسد اللهم احفظنا من الحسد اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.